altura em que vão ser 18 horas em Portugal. Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous bien? Eh bien, j'imagine que ça ne peut qu'aller. Vous savez que 2 heures de métal là, vont vous décrasser les oreilles. Donc j'espère que vous êtes confortablement installé chez vous, dans votre fauteuil préféré, avec une bière bien fraîche à la main. Et croyez-moi, vu le programme de ce soir, je vous envie, j'aimerais bien être à votre place. Mais enfin, c'est moi qui vous propose le programme, donc je ne peux pas être partout, bien sûr. Donc ce soir, eh bien, des nouveautés au nombre de 5. Des petites choses donc qui sont sorties courant cet été, et on va revenir aussi sur des choses aussi un petit peu plus anciennes, et on va parler un petit peu d'actualité concert, parce que maintenant apparemment ça a l'air d'être parti à peu près à la normale. Eh bien, on va commencer tout de suite. D'abord, on va faire un petit voyage, parce que ça, c'est l'avantage de la radio. Sans bouger de chez soi, on peut voyager dans l'espace et le temps. Et on va faire un petit tour au Japon, retrouver le groupe phare de l'Empire du Soleil Levant, Loudness. Loudness qui a sorti son 28e album, même, excusez du peu, et fêté son 40e anniversaire d'existence l'année dernière. Donc, l'album Sunburst, il est sorti en décembre 2021 au Japon. Et là, il vient de sortir chez nous, là, cet été, récemment. Bien que ce soit leur 28e album, c'est leur premier double album et une grande première puisque c'est un mélange de chansons en japonais et en anglais. Donc, c'est pour ce soir. Allez, faisons de l'exotisme jusqu'au bout avec un morceau en japonais, Yamato Damashi. Je m'excuse pour la prononciation. D'ailleurs, si quelqu'un sait ce que ça veut dire, qu'il n'hésite pas à appeler au 0238 43 48 00. Comme ça, je serai un petit peu moins stupide. Donc, allez, on commence tout de suite avec du bon heavy. Yeah. en Tokyo est terminé. Retour donc à Orléans, à Fleury-les-Aubrais plus exactement. Entre-temps, c'était Loudness avec Yamoto Damashi, extrait donc du double album Sunburst, sorti cet été, du moins pour nous, public européen. On va continuer maintenant, puisqu'il faut réduire au maximum son empreinte carbone. Ne bougeons pas notre fauteuil, mais allons faire un tour en Suède avec la première nouveauté de la soirée. Le nouvel album de Arch Enemy, ça doit être leur 11e ou 12e, si je sens bien. Le 3e avec la chanteuse Alissa Wildblues, maintenant qu'on ne présente plus et qui s'est accaparé le poste de chanteuse avec vraiment maestria, il n'y a pas à dire. On avait un peu peur au début, qu'Angela Gossow avait quand même marqué comme le groupe de son empreinte, mais... La petite, elle assure vraiment bien. Donc ce nouvel album est sorti le 12 août dernier, s'appelle Deceivers. Alors je sais que je vois des critiques un peu dithyrambiques un peu partout. Alors non, je ne suis pas déçu du tout, mais c'est vraiment l'album que j'attendais. C'est du Arch Enemy pur et simple, etc. Sans surprise, voilà. Parce que des fois on a des surprises de temps en temps avec le groupe des frères Amott. Mais là, non, il n'y a pas de surprise. C'est très bien fait, c'est super bien produit. Ça s'écoute avec grand plaisir d'ailleurs. Mais voilà, c'est un album de plus dans leur discographie. Mais enfin, ceci dit, je crois qu'il y a beaucoup de groupes qui aimeraient faire des trucs aussi bien que cet album. Allez, ce soir, Deceiver pour vous décrasser les tympans. Become Immortal, un extrait de Hey Tuberales, le dernier album de Creator, sorti cet été, juste avant la première nouveauté de la soirée Arch Enemy, avec non pas Deceivers, comme je vous l'annonçais, mais Handshake with Hell. Et oui, ça c'est les inconvénients du direct. Extrait donc de leur nouvel album, tout chaud, tout bouillant, sorti au mois d'août, Deceivers, Arch Enemy, qui sera en concert au Zénith le 4 octobre prochain, en compagnie de Behemoth et de Carcass. Creator, eux, ce sera un peu plus tard, et ce sera en compagnie de Lamb of God à l'Olympia, et ce sera le 20 décembre prochain. Puisqu'on parle concert, et ben tiens, revenons à celui de Blackstone Cherry qu'ils ont délivré au Royal Albert Hall, donc l'Opéra de Londres, en octobre 2021. Concert qu'ils ont enregistré et filmé et qui est sorti donc cet été sous le titre Live from the Royal Albert Hall, Hey Hall. Et ben on va se faire un de leurs petits classiques, extrait d'abord de l'album Magic Mountain, Me and Mary Jane. C'est avec ça d'ailleurs que le concert commençait. See you. Sting et Me and Mary Jane, donc deux extraits du double live plus Blu-ray de Blackstone Cherry, live from the Royal Albert Hall. Yahoo! Voilà. Maintenant, allons faire un petit tour en Suède avec la deuxième nouveauté de la soirée. Et je vous invite à découvrir donc Children of the Sun. Alors Children of the Sun, c'est un tout jeune groupe. Hein. Quand on voit la photo, on voit qu'ils sont pas bien vieux. Hein. Le groupe mixte, enfin il y a 4 nanas et 2 mecs. Et on peut dire que ce groupe, en fait, ils sont tombés sur les disques de leurs parents, je dirais même de leurs grands-parents, parce que là, on est en plein hippie rock, on est en plein Woodstock. Ça m'a fait beaucoup penser à Jefferson Airplane, Janis Joplin, ce genre de choses. J'aurais pas dire les contemporains de Blue Spills, parce que Blue Spills est plus rock, mais voilà, on reste dans le même esprit. Enfin, toujours est-il qu'ils ont bien capturé l'essence de cette époque-là, avec un son très actuel. C'est leur deuxième album là, qui est sorti au printemps dernier, qui s'appelle Roots. Et bah, on va découvrir tout de suite avec le morceau Blood Likes Hot. They gave me Cunningham, deuxième album solo pour l'ancienne chanteuse de Person, Two Piece Puzzle, est le titre de l'album sorti en début d'année. Là, c'était Sock Push Bang Blow. Juste avant, dans ce même esprit 70s complètement hippie et deuxième nouveauté de la soirée, les Suédois de Children of the Sun et leur deuxième album également, c'était Blood Boils Hot. On continue maintenant avec un groupe issu de cette période-là, lui aussi. Mais par contre, eux, les hippies, ils les aimaient pas. Au contraire, je pense qu'ils ont fait partie de ces groupes qui les ont quelque peu éradiqués. On va revenir au live posthume là, de The Stooges, Fire of Life, sorti là au printemps dernier. Sorte de compilation live regroupant deux extraits de concerts, un truc en studio et aussi un mini-concert donné dans un chez un disquaire. Alors on va revenir au concert par contre de Sydney du 26 janvier 2006 où le groupe nous délivrait une version Destroy, enfin comme toujours de son classique No Fun avec un son très roots puisque c'est vraiment du, on va dire, du tape de mixage brut de fonderie. Moi c'est comme ça que j'aime le son live.

petit rappel, Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et là, c'était l'hommage à la reine d'Angleterre par Electric Shock. Vous aurez reconnu le classique des Sex Pistols, repris de main de maître par Motorhead, qu'on peut trouver donc sur leur live 25 and Alive, live at Brixton Academy, sorti en 2003, et c'était enregistré et filmé le 22 octobre 2020, donc à la salle mythique londonienne, et c'était pour les 25 ans de la légende britannique. Juste avant Motorhead, dans le même esprit, The Stooges avec No Fun, extrait de leur live Fire of Life, sorti au printemps dernier. Changeons de registre avec un petit instrumental, pour ça revenons à la compile United Guitars Volume 3. Et allons faire un tour du côté de Bordeaux et allons retrouver l'ami donc Stéphane Fanalo à l'Aux, qui nous propose donc le morceau Motherfucker. Alors Stéphane Allo, c'est quelqu'un très actif de la scène bordelaise. Il est principalement connu pour son groupe Plugin et il est également directeur du SIAM. Sachez que pour son prochain album solo, il travaille avec Ron Tal et le chanteur J. Scott Soto, quand même, excusez du peu. Donc le morceau de ce soir, c'est Motherfucker, instrumental. Thank you. motherfucker, c'était Stéphane Fanalo Alux, extrait donc de la compile United Guitars volume 3. Continuons, toujours aussi avec la troisième nouveauté. Lui aussi, il est guitariste et chanteur, mais c'est pas pour ça qu'on le connaît là, actuellement. C'est Simon McBride. Alors, Simon McBride, ce nom, il y a encore quelques mois, il nous était complètement inconnu. C'est un Irlandais qui a joué avec pas mal de monde, et entre autres Don Airey. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'il a pu avoir la place dans Deep Purple pour remplacer Steve Morse quand celui-ci a préféré rester au chevet de sa femme, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Et maintenant, actuellement, il devrait être titularisé guitariste, enfin, on suppose, de la légende britannique. Et là, j'ai eu l'occasion donc de voir Deep Purple là au mois de juillet, donc avec lui en lieu et place de Steve Morse. Eh bien, ça le fait, il n'y a pas à dire. Il n'a peut-être pas le charisme ni la classe de Morse, mais enfin, il fait très très bien le boulot et ça ne choque pas du tout. Mais Simon McBride, c'est aussi donc 5 albums solo, dont le dernier est sorti au printemps dernier, s'intitule The Fighter. Je pense que maintenant, le fait d'avoir rejoint la légende britannique, ça va lui donner un petit coup de pouce à sa carrière solo. Et musicalement, on peut dire qu'on est dans le rock blues, genre Thunder, tout ce genre de choses. Je pense aussi à des gens comme Philip Seyss, malheureusement assez méconnu en France. Et il y a une voix aussi assez proche de Paul Rogers, par exemple. Et c'était pas pour rien non plus que sur cet album figure la reprise de The Stealer qu'on va s'envoyer maintenant. Les Black Crowes avec The Slider, une reprise de T-Rex qui figure sur EP 1972, qui contient donc 6 morceaux et 6 reprises. Bon, ce soir, donc, comme je vous disais, c'était T-Rex. Sinon, il y a les Stones, Rod Stewart, Little Feat, David Bowie, d'ailleurs, qu'on avait fait la semaine dernière, ainsi que les Temptations. Bref, que du tout bon. Juste avant The Black Crowes, ça aussi c'était une reprise de Free par Simon McBride, l'actuel guitariste de Deep Purple. Et ça c'est extrait de son 5e album solo qui est sorti au printemps dernier. Voilà, et c'était donc la 3e nouveauté de la soirée. Puisqu'on parle de concerts, vous savez que ce week-end a lieu le festival Hop Hop Hop à Orléans, comme tous les ans à la même époque. Festival qui ouvre donc la saison des concerts de l'Astrolabe. Donc avec, il y en a pour tous les goûts, il y a aussi bien de l'électro, que de la world music, que du rock, de la variété française, enfin, il y a vraiment de tout. Toujours est-il que bah, pour cette nouvelle édition, les Burning Heads voilà, seront donc au Campo Santo et fermeront donc la première journée donc du festival Hop Hop Hop, donc Burning Heads avec leur nouvelle formation. Et bah, c'est pour ça, si vous ne savez pas quoi faire vendredi soir, voilà, allez-y. Et bon, c'est un petit extrait donc du dernier album sorti au printemps dernier, Torches of Freedom, All Set to Glow. Look into the mirror. She likes C'est pas souvent qu'on en passe. C'était du Green Day à l'instant. Green Day avec leur extrait de leur quatrième album Insomniac, sorti en 1995. C'était Armatage Chains. Plus actuel par contre, puisque c'est sorti au printemps dernier, le nouvel opus des Burning Heads avec le morceau All Set to Glow. Et les Burning Heads, qui je vous rappelle, seront en concert vendredi soir dans le cadre du festival Hop Hop Hop sur la scène du Campo Santo entre 23h45 et 1h du matin. Eh ben tiens, en regardant les concerts metal rock qu'il y avait sur Paris et la région centre, je me suis aperçu que Electric Mary était ce soir donc à la salle Backstage by 2000 à Paris. Et je me suis dit, tiens, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé du rock'n'roll rugueux des Australiens de Electric Mary. Et pour ça, on va revenir à l'album Mother, sorti en 2019. Et là, on va s'envoyer The Way You Make Me Feel. Petit extrait du dernier album de AC/DC sorti fin 2020. L'album c'était Power Up, c'était Rejection. Australie toujours avec Electric Mary avec The Way You Make Me Feel, extrait du dernier album Mother sorti en 2019. Et Electric Mary qui est en concert ce soir à Paris. Eh bien, continuons toujours dans le style live avec la quatrième nouveauté de la soirée. Et c'est le troisième volet live de Def. Def, enfin les ayants droit de Chuck Schuldiner, ont sorti donc cet été là, quatre lives qui sont vraiment des bootlegs. Quatre lives de quatre époques bien distinctes. On a eu un concert de 88, un de 90, un de 95, et ce qui nous intéresse ce soir, c'est un concert de 91, de l'époque de Human, qui était leur quatrième album. Donc, un concert enregistré donc en Belgique le 23 décembre de cette année 91. Alors, par contre, je vous dis tout de suite, si le concert est bon et intéressant pour les fans, le son est vraiment plus que limite, pour ne pas dire franchement dégueulasse. Voilà. Enfin, là, c'est pas le plus important. Si on fait abstraction de ça, putain, ça déménage, il n'y a pas à dire. Donc voici un extrait de cet album culte qui était Human, c'est Suicide Machine maintenant. bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez bien Electric Shock, l'émission qui frappe et qui grille les neurones. C'est Electric Shock, c'était le mardi soir entre 19h et 21h. Là, on s'en est grillé un beau petit paquet de neurones avec la doublette de l'official bootleg de Def, Left to Die et Suicide Machine, enregistré donc en Belgique le 23 décembre 1991. Maintenant, allons faire un petit bond dans le temps. On va se retrouver en 1968. En fait, en feuilletant le rock hard de ce mois-ci, j'ai feuilleté le dossier consacré au hard blues de la fin des années 60, début des années 70, et je m'étais dit, tiens, ce serait sympa de faire un petit peu la même chose ce soir, et c'est pour ça qu'on va revenir à des groupes dont on peut, c'est vrai qu'on peut parlementer des heures pour savoir d'où vient la paternité du hard rock, du heavy metal, quel groupe est vraiment le novateur. Beaucoup disent qu'en fait, c'est les Beatles qui l'avaient plus ou moins inventé avec Helter Skelter et Come Together. D'autres disent que c'est les Who, enfin bref, je pense que tout le monde a un peu raison et tout le monde a tort en même temps. D'autres aussi disaient que en fait, c'est Blue Cheer. En fait, Blue Cheer, par contre, a foutu vraiment une grosse déflagration et a été vraiment le premier à avoir un groupe avec un son vraiment énorme pour l'époque. C'est pour ça qu'on va revenir à cet album qui est mythique, qui est Vincebus Eruptum, sorti en début janvier 68. On va se faire un classique de cet album. Alors c'est pareil le son, mais enfin bon, là, il y a l'excuse de l'époque. C'est vraiment vintage. Blue Cheer, séquence nostalgie. We'll be right back. c'est toujours aussi bon, hein, 52 ans après. Mountain, avec le classique Mississippi Queen, extrait de l'album Climbing, donc sorti en 1970, premier album de Mountain. Et ben là, c'est un peu l'occasion de se faire un hommage plus que décalé à Leslie West, le génial chanteur-guitariste de ce groupe de légende, décédé le 23 décembre 2020. Juste avant Mountain, aussi gros groupe de légende qui pratique un hard blues, on peut dire à l'origine de tout, Blue Cheer, avec son premier album Vince Blue Seruptum, sorti en 1968, c'était le morceau Out of Focus. D'ailleurs, la légende veut qu'en fait, les guitares, enfin l'album a été enregistré en dehors du studio, parce que le groupe jouait avec des gros murs d'ampli Marshall, et que les studios de l'époque ne pouvaient pas permettre ça. Et comme le groupe ne voulait pas jouer avec juste un petit ampli, on leur a dit, bon bah écoutez les gars, mettez votre matos dehors, et on va se débrouiller. Ce qui explique peut-être ce son granuleux et heavy à souhait. Eh bien, je vous avais promis 5 nouveautés, voici la dernière. Donc tout ça, c'est l'antithèse de tout ce qu'on vient d'avoir maintenant. C'est un nouveau live de Dream Theater. Oui, vous êtes habitué maintenant que Dream Theater revient assez souvent dans Electric Shock, parce que, eh bien, depuis un peu plus d'un an, ils nous sortent des official bootlegs tous les mois. Alors, entre-temps, il y a eu beaucoup de rééditions aussi de l'ancien catalogue du 8-7 Jam Records. Mais enfin, c'est pas plus mal pour les gens qui n'ont pas pu se les procurer il y a ça bientôt 20 ans. Et déjà, à l'époque, c'était très difficile de se les procurer, donc ça permet maintenant de les avoir à un prix modique. Mais de temps en temps, Dream Theater glisse quand même quelques nouveautés, comme c'était le cas là au mois d'août, puisqu'ils nous ont sorti le concert de Berlin 2019, où le groupe était en pleine tournée de promo de l'album Distance Over Time. Mais moi, comme j'aime bien pas faire comme tout le monde, je nous ai choisi un morceau non pas de Distance, mais de Systematic Chaos, et ce sera In the Presence of Enemies, Part 1. light, shining death before me. Walking to it, I waited for the end. A final vision, promising salvation. A resurrection for a fallen man. Do you still wait for your God? And I send all of your data. I can free you from this hell and misery. You should never be ashamed, my son. I can give you power beyond anything. Trust me, you will be the chosen. Scorned and broken, my soul rejected, tainted by his blood. Beyond redemption, a sinner not worth saving, forever taken from the one I love. The Presence of Enemies Part 1, donc Dream Theater, extrait de leur dernier album Live in Berlin 2019, donc sorti au mois d'août dans le cadre des official bootleg, et c'était la dernière nouveauté de la soirée. De l'Allemagne, où le live de Dream Theater est enregistré, à la Suisse, il n'y a qu'un pas, et bah tiens, on va revenir au EP de Divergency, le groupe de metalcore suisse, qui nous a sorti un petit EP intéressant, Aurora, que je vous passe depuis depuis bien le début de l'été, sans problème. Et bah, j'ai vu que dans Rockhard, celui-ci avait été chroniqué aussi. Vous ne pouvez pas dire que Electric Shock n'est pas au taquet, puisqu'il vous l'a proposé bien longtemps avant. On va se faire l'unique titre en français de ce EP, c'est « Le ciel tremble ». We'll be right back. nombre nous attendons. Que jour célèbre sans encombre. Que le ciel se dégage de ses pluies battantes. Que la vie s'anime, que les corps chantent. Plus de passion, plus de déboire. Les gens sont sages, ils ne prennent pas les armes, pensant que c'est une forme de courage. C'est une devenue normalité. Pas besoin de vivre quand je dois travailler. Tant que le ciel tombe. Il ne nous reste plus grand chose, même pas quoi boire. Mais heureusement que les politiciens nous disent de garder espoir. Pour certains c'est un complot, personne n'est d'accord. Pour d'autres un pangolin, un labo. Pourquoi pas un alligator. On a tous oublié que le problème reste le même. Le truc qui a vraiment changé, le seul système. Tant que le ciel tombe, les vacances sont toujours malades en fusion. Tant que le ciel tombe, nous ne la croirons. Et l'océan, notre unité, un jour. Les Parisiens de Disconnected avec leur dernier album We Are Disconnected, c'était That's How I'll Face the End. Juste avant Disconnected, venu de Suisse, Aurora, c'était le EP de Divergency et le morceau Le Ciel Tremble, c'était pour ce soir. Eh bien, il nous reste peu de temps, mais on a le temps de se faire un dernier petit morceau. Et allez, on va terminer notre périple à Lyon, où on va retrouver Death Awaits, qui célèbre leur 20e anniversaire avec leur album éponyme. Et le morceau, la petite douceur de ce soir, va être Clause of Bigotry. De Death Awaits, voilà, c'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute de ce magazine. J'espère vous retrouver encore plus nombreux la semaine prochaine, où j'aurai bien des nouveautés encore à vous faire découvrir. Portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Je vous dis à mardi prochain. Salut à tous!